Écoutez la différence. Mosaïque. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Ravi de vous retrouver encore une fois pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Mosaïque où nous allons parler d'un sujet qui reste encore d'actualité, contribution de la population pour les élections de 2020. Eh bien oui, nous y revenons une fois de plus avec pratiquement les mêmes invités qui s'exprimaient sur le même plateau avant que cette contribution ne soit régie par une ordonnance ministérielle conjointe. C'est maintenant clair, c'est une contribution volontaire, mais aussi à caractère obligatoire, diraient certains, parfois avec une retenue à la source et pour certaines catégories de salariés. Mais également, l'ordonnance n'épargne pas non plus les citoyens non salariés, y compris ceux encore sur le banc de l'école, pourvu que l'on ait l'âge de voter. Maintenant que cette contribution est régie par une ordonnance ministérielle, pourrait-on toujours parler de contribution volontaire pour les élections? Quels sont les espoirs qui seraient nourris par ce cadre réglementaire? Quelles sont les craintes qui seraient liées à l'application de cette ordonnance ministérielle? Qu'en est-il de la capacité de la population à s'acquitter de ce devoir civique? Et quel est le sort qui serait réservé à ce citoyen qui manquerait à cette obligation? Appréciation par les acteurs politiques et de la société civile, c'est à travers le débat mosaïque avec nous sur le plateau Terence Nailaja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs. Il y a Godeliev Ninahazwe qui arrive incessamment. Godeliev Ninahazwe, la députée du CNDD-FDD, et c'est également notre invité, mais elle arrive incessamment. Honorable Pierre-Célestin Ndikoumana, député de la coalition Amizero ya Barundi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation et bonjour à tous nos auditeurs. Il y a également Faustin Ndikoumana, président de l'organisation Parcel, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par François Akimana. Jérôme Niozima est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léonce Vitaliro. Encore une fois bonjour et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Mosaïque. La première question est adressée à vous, Terence Nailaja, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Peut-on parler de contributions réellement volontaires pour les élections aujourd'hui? Oui, bien sûr, comme vous le dites, je suis très content d'abord aujourd'hui parce que nous sommes invités, presque les mêmes invités qui avaient débattu sur le sujet, ce qui est une chose très importante. Auparavant, on avait fait un débat sur une chose qu'on n'avait pas encore vue, mais voilà que maintenant, il y a un cadre légal qui réglemente justement cette contribution de la population aux élections de 2020. Eh bien, comme vous l'avez vu l'ordonnance, comme le stipule une de ses dispositions, effectivement, cette contribution n'est pas obligatoire, elle est volontaire, mais pour qu'elle soit effective, il faut qu'il y ait une réglementation en vue d'éviter le désordre. Merci. Est-ce que c'est volontaire alors qu'il y a des salariés qui doivent verser une somme bien précise? N'est-ce pas un devoir quelque part? Ah oui, c'est un devoir quand même, mais quoi que ce soit volontaire, parce que l'article 93 de la Constitution de la République du Burundi stipule que tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale. Donc dans le cadre de renforcer la démocratie, c'est normal que la population essaie d'accomplir ce devoir, en tout cas de contribuer. En ce qui concerne ces élections, et le gouvernement trouve que cette contribution réside à cette contribution d'un minimum de budget pour appuyer le gouvernement que le gouvernement a prévu pour ces élections. Honorable Pierre Célestin, vous êtes de la coalition Amizero ya Barundi. Allez-vous dire finalement qu'il aurait fallu que le Parlement se prononce sur cette contribution? Mais bien évidemment, tout ce qui relève des obligations à caractère économique devrait passer par le Parlement. Ça, on vous a contourné. Mais c'est bien sûr, on a contourné. C'est ce qui fait que même les mesures qui ont été prises revêtent un caractère plus ou moins illégal. Bon, par rapport à la question que vous posez sur est-ce que c'est volontaire ou pas, moi je dis toujours, comme je l'ai toujours dit, c'est pas volontaire, c'est plutôt obligatoire, mais prononcé de façon voilée. Comment ? Parce que on précise bien évidemment les modalités pratiques, dont, par exemple, la retenue à la source sur salaire, et qui va se prononcer et dire vous n'allez pas toucher à mon salaire, vous n'allez pas retenir à la source. Qui, dans ce système à caractère, permettez-moi de le dire, à caractère fasciste, qui pourra dire, non, moi je dis non, vous n'allez pas toucher à mon salaire, vous n'allez pas retenir quelque chose. Mais si, le retenir à la source, c'est déjà obligatoire, même si on ne le dit pas. Dire que c'est volontaire, c'est bon, c'est le dire, mais au niveau pratique, ce n'est pas ça. Et on a précisé quels sont les montants. À chaque catégorie, il y a précision des montants qu'il faut verser, qu'il faut payer. Et est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vous demande une contribution volontaire? Par exemple, si dans une fête de mariage, ou quelque chose, c'est là où on fait le volontariat, qui vous dit, bon, vous allez me donner quelque chose, mais vous n'allez pas me donner moins de 50 000 francs. Vous allez me faire 100 000 francs, vous allez me faire 50 000 francs. Mais est-ce que ça devient une contribution ou une obligation? Donc, je dis tout simplement en une seule phrase que ce qu'on demande, c'est purement et simplement une obligation. Ce n'est pas volontaire. Est-ce que le Parlement n'est pas capable de dire quelque chose, si cela devait passer par le Parlement? Le Parlement devrait se prononcer, bien sûr. Devrait se prononcer. Pourquoi est-ce qu'il ne se prononce pas? Évidemment, je ne suis pas ici comme porte-parole du Parlement parce qu'ils ne m'ont pas mandaté, mais je suis ici comme politicien. Mais la voie légale, c'était ça. C'était ça. Et le Parlement devrait chercher ou voir comment se prononcer contre ou oui. Mais la prononciation, là, devrait nécessairement passer par là. C'est d'abord des mesures illégales, comme je l'ai dit, et c'est obligatoire, malheureusement, dans ce contexte de pauvreté accrue, où on demande à un salarié, à un petit fonctionnaire, de verser une somme qui sera même retenue à la source, à un salarié, en même temps, dont on a ravi les annales. Les annales ont été gelées, la situation économique est désastreuse, la population qui, à peine, dans les ménages, on mange à peine une fois par jour, et vous leur dites, amenez de l'argent, 500 par personne, ou je ne sais pas, par ménage. Il y aura aussi des récépissés qui seront donnés, des factures, j'allais dire des factures même, mais ce qui est vrai. Et tout ça, ça relève de l'obligation. Pourquoi est-ce qu'on doit aller à la commune pour chercher les quittances, parce que démontrer qu'on a payé? Pourquoi tout ça? Donc, vous voyez quand même que c'est demandé de trop à cette population meurtrie par la faim, meurtrie par la pauvreté accrue. Si on mange une fois par jour, à peine, et qu'on vous demande quelque chose de plus, vous comprenez quand même que c'est demandé toujours de trop. La pauvreté, du jour au jour, on observe la famine, etc., etc. Donc, mais nous, tout en n'oubliant pas que cette même population se sacrifie pour payer les taxes, pour payer l'impôt. Et maintenant, ça devient une double taxation. C'est imposé deux fois. Double taxation ou pas, Monsieur Terence Naïla, j'apporte parole du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez revenir de façon un peu détaillée sur les montants de contribution pour les uns et les autres? Merci beaucoup. Il y a différentes catégories de la population. Exactement. Avant toute chose, je voudrais d'abord tranquilliser l'honorable sollicité, qui est mon ami d'ailleurs, et qui dit que c'est vraiment obligatoire. J'aimerais vous citer quelques alinéas des dispositions de cette ordonnance, notamment l'article 4, sa première alinéa. Il stipule que dans sa deuxième phrase, que cette contribution n'a pas de caractère obligatoire et sera guidée par la propre volonté du citoyen. Ici, à tout à l'heure, je vais arriver sur les chiffres. Il y a aussi le troisième alinéa, justement, après le tableau qui montre les chiffres, et pour tranquilliser le président du PARSEM, qui est de la société civile. Ici, on dit que pour cette catégorie, leur contribution sera guidée par leur propre volonté et le sens patriotique de chaque contributeur. Donc, c'est pour vraiment éclairer l'opinion qui nous écoute. Et ici, il n'y a pas de débat à gauche à droite sur ce point, c'est clair. C'est-à-dire que ce qu'on peut le faire, quand il parle de la retraite sur les sources, et celui qui le veut, il peut le signifier, il peut dire, voilà, moi, je ne me sens pas aller, et je suis salarié, je ne voudrais pas contribuer. C'est son droit. Mais le ministre de l'Intérieur de la Formation patriotique, dans la conférence de France, ce qu'il a fait quand il a présenté... Fois, il sera dans l'obligation. Il a été clair, il a été clair. Qu'est-ce qu'il peut appeler le signifier, il n'y a pas de problème. Par voix écrite, c'est normal. Parce que, vous savez, les fonctionnaires, ils sont payés dans la machine. Il y a la liste, il y a tout ça. Il faut qu'on sache qui ne veut pas ou qui veut, pour que vraiment, c'est lui qui, ça la volonté de ne pas contribuer. Qui ne sent pas son patriotisme, il n'a qu'à le faire. Et ça, c'est normal. Et à ce moment, la fonction publique sera obligée, justement, de risquer de toucher son salaire. Et puis, comme vous avez posé la question, alors, de revenir sur les chiffres, évidemment, permettez-moi de le dire. Et ici, j'aimerais vous dire que pour la catégorie des citoyens, d'abord, il y a trois catégories de citoyens qui vont payer. Il y a les citoyens non salariés, la population en général, il y a les fonctionnaires, il y a aussi les personnes physiques et morales, et il y a la société, il y a les ASB, les autres. Et ici, c'est bien précis. Effectivement, quand il veut, il peut le faire ou pas, c'est pas obligatoire. Et c'est juste pas pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Et puis, ici, les barèmes sur lesquels, quand il a parlé qu'on a précisé le montant, c'est juste une base minimale. J'espère qu'il a parlé de la médaille de mariage. Même dans le mariage, on se donne en tout cas la base minimale. On dit voilà, chers amis, pour aider notre frère qui va se marier, qui n'a pas beaucoup de moyens, fixons un minimum, mais celui qui est capable et pourra faire plus. Non, je pense que ça se fait même dans les comités. J'ai participé à beaucoup. Mais moi aussi, quand j'ai fait mon mariage, la situation est arrivée. Et ça arrive à tout le monde et c'était intéressant. Et puis, quelle est la base minimale qui est prise par l'ordonnance? Celui qui n'est pas prêt à faire le même plus. Il y a des sociétés qui ont déjà fait plus et qui, si le salaire est bon, également payer. Voilà, concernant justement la population non salariée, il y a plutôt non salariés, il s'agit de 2000 francs par an, par ménage. Par an. Par an, par ménage. Mm-hmm. Vous voyez quand même que ce n'est pas quelque chose de trop. En tout cas, je sais que la population, il a parlé de la famille honorable, et c'est vrai, nous avons de la propriété, mais quand même, la population burundaise est vie. Et les vies, et les parties de nos activités de développement, ils contribuent pour les constructions même, physiquement, ils donnent même de l'argent pour les contributions. Je me souviens au niveau de la santé, avec les ambulances qu'on donne à des hôpitaux, des districts qui n'ont pas de budget, c'est la population qui paye par le ménage par an, et il le faut aisément sans problème. Ils sont cette habitude de faire cette contribution vraiment pour leur intérêt. Alors. Ce sont les ménages. Exactement. Pour un jeune homme à élève. Un âge de voter. Et un âge de voter en élève, c'est 1000 francs par an. Et puis, concernant les salariés, il y a ceux qui ont salaire donc qui varient. Où est-ce que l'élève ou toute autre personne est en âge de voter pour attirer cet argent? Mais c'est facile, vraiment 1000 francs par an, il y a les élèves qui travaillent. Et c'est cultiver le sens, c'est du patriotisme à ces élèves-là. Il faut que lui, quand il voit les élections, quand il va voir les résultats des élections, il faut qu'il dise, voilà, moi aussi j'ai contribué. Il faut que nous commencions à cultiver cette culture de savoir contribuer, quel que soit ce que tu as, à ton pays, à ta patrie, pour la paix, pour la démocratie, pour le développement, n'est-ce pas? Alors... Pour un salarié qui a un salaire qui arrive à 50 000 francs, il va payer 500 francs. Et pour un salarié qui a un salaire varié de 50 000 francs, de plus de 50 000 francs, de 50 000 francs à 100 000, c'est 1 000 francs. Pour un salarié qui va toucher un salaire de plus de 100 000 jusqu'à 200 000, c'est 2 000 francs. Et pour un salarié qui a un salaire qui varie de plus de 200 000 à 500 000, c'est 5 000. Cette fois, c'est par mois ou par an? C'est 5 000, ça c'est par mois. Et pour un salarié qui a un salaire de plus de 500 000 à 1 million, c'est 30 000 francs. Et pour un salarié qui a plus d'un million, il va donner un mois de salaire par an. Donc c'est défini comme ça. À ce moment, si l'honorable sollicité se porte volonté de contribuer, effectivement, il pourra céder et moi, parce que je passe de toute façon au honorable député, et dans la deuxième catégorie qui est des plus hautes autorités qui reçoivent ça, les plus ou moins un peu élevés. Et puis, je voudrais aussi vous tranquilliser. Il y en a qui disent, voilà, au Hamas. Une petite question, M. Oui. Terence et Naïla Aja, oui. Il y a le ménage qui, à lui seul, donne 2000 francs, mais le ménage à lui peut avoir un enfant, deux, trois, des élèves qui payent des frais scolaires, mais qui doivent également payer 1000 francs chacun. Est-ce que n'est-ce pas une charge de plus? Bon, c'est pas grave, de plus que c'est volontaire. Je pense que c'est au ménage d'apprécier ce dont il est capable. Parce que ce n'est pas la retraite, c'est pas quoi, je vous ai dit. Donc, le ménage fera ce dont il est capable. Parce que c'est volontaire. Je peux vous tranquilliser vraiment ceux qui nous écoutent, qu'on ne peut pas courir, et voilà. Vous avez vu que vous avez 5 élèves, vous n'avez pas pu avoir 5 000, voilà, on fera une sanction, non. Ce n'est pas vraiment un cas de l'égal qui est punitif. Ça, ce n'est pas terminé pour les barèmes. Hein. Il y a aussi une autre catégorie dans laquelle se trouve mon ami Faustin Ikoumana. Pour ces derniers, c'est les patriotismes qui vont les guider. On ne sait pas combien il va payer, on ne par ça, mais ou bien en tant qu'individu, il va faire le choix. Il fera ou pas. Donc c'est pourquoi, mais pour ceux qui sont fixés, il y a même les vulnérables qui ne sont pas capables. Il y a les ménages vulnérables, vous savez très bien, qui n'ont pas d'argent. Il y a les handicapés qui n'ont pas de travail. Ce n'est pas que toute personne est vraiment oubliée. Donc c'est la volonté. Donc le fera celui qui est capable de le faire. Faustin Ikoumana, au nom de l'organisation Parsem, dont vous êtes président, représentant légal, vous êtes libre de contribuer ou pas. Et moi, placé. Bon, quand on a en tant qu'organisation de la société, quand on a une organisation, on est membre d'une organisation de la société civile, on parle au nom de l'action citoyenne. Je ne dois pas m'exprimer par rapport à la volonté de la société civile, c'est du citoyen en général. Mm-hmm. Parce que la remarque générale qu'on avait donnée depuis longtemps, c'est que et la façon dont ce processus a été piloté. Et cette volonté de contribuer aux élections, on avait dit soutenir que la mobilisation pour les frais des élections, pour remplir, ça fait normal, mais qu'il faut éviter les vices de procédure. Que le domaine de perception des fonds, de l'argent, de la population, c'est du domaine de la loi. Éviter les vices de procédure, c'est ce qui a été fait à travers cette ordonnance, je crois. Justement, vices de procédure, c'est ça. C'est du domaine de la loi. La loi, ça veut dire que c'est l'Assemblée nationale qui doit se prononcer. Parce qu'on devrait d'abord calculer le coût, proposer aux citoyens, d'abord le coût global des élections. Le coût global des élections, la capacité du budget ordinaire de contribuer aux élections, le manque à gagner, discussion au Parlement, débat au sein des syndicats ou des groupes professionnels, quelles sont vos capacités en des consultations élargies, les gens pourraient me proposer, nous sommes capables de faire ceci et cela. Et à partir de ce débat élargi de consultation populaire, l'Assemblée nationale alors pouvait fixer le montant par rapport aux besoins qui sont déjà exprimés d'une manière, de façon mathématique, de façon évidente. Et le contexte global, alors, devait préciser la façon dont cet argent devrait être géré. Et ça serait géré aussi du budget ordinaire. Comment est-ce qu'il sera contrôlé? Quelles sont la façon du suivi de la gestion des fonds? Et c'est tout un tas de clarifications qui devraient d'abord être faites avant de s'engager dans ce processus. Encore une fois, je dois dire que parler des montants qui seront perçus, par exemple, sur des salaires des fonctionnaires, on a fait trois catégories. Oui, on dit à catégorie profession libre, société civile, qui pourront contribuer selon leur motivation, selon leur volonté, à partir du sentiment patriotique. Mais aussi, les fonctionnaires sont là, sont des citoyens burundais comme tant d'autres. Si on devrait fixer le montant à percevoir, il devrait avoir précédé par un débat au sein de ces populations. Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos capacités? Par exemple, si vous parlez de quelqu'un qui dépasse 1 million de francs qui va, par exemple, consacrer un mois de salaire. Oui. Prenons, par exemple, quelqu'un qui a un salaire de 1,2 million. Oui. Quelqu'un qui a un salaire de 1,2 million, il paie régulièrement un impôt sur le revenu d'environ 150 000. C'est un cas qu'il fait. Je le sais. Par mois. Par mois, en IP de 150 000 francs. Ça veut dire qu'il contribue régulièrement au trésor public à concours de 150 000 francs. Et après, je sais qu'il y a des engagements qu'ils prennent. Il y a des crédits quelque part. Mmh. Vous savez, ici au Burundi, pour faire un petit investissement, pour faire ceci, il y a des crédits, maison, fait quoi. Il y a des retentions sur salaire. Et puis d'un coup, vous dites, ça veut dire s'il touche 1 200 000, s'il va consacrer un mois de son salaire, ça veut dire c'est 1 200 000. Sur 12 mois, ça veut dire c'est 100 000 au moins par mois. 100 000 au moins par mois, c'est-à-dire que c'est un autre prélèvement de 100 000. Mais tout au moins, il ne le fait pas, il ne contribue pas en un seul temps. Non, je dis, si, non, bon, il doit épargner ses masses. Pour les autres, c'est mensuel, mais on dit un mois de salaire. Un mois de salaire, c'est 1 200 000 par an. S'il devrait faire un. Mais ce n'est pas d'un coup, en fait. C'est un exemple que je donne. Parce qu'il doit épargner quelque part, dire je dois quand même consacrer un épargne, une provision pour quand même constituer un montant de 1 200 000 par an. Et puis ça sera pour une période de 2 ans. C'est assez. Donc pour dire que même ces contributions, ces salaires dont que vous voyez, ils ne subissent pas les mêmes ponctions selon les réalités individuelles. Donc pour dire que aussi, à partir de ce débat, des propositions des uns et des autres, des syndicats, des consultations populaires, même chez nous, des civils syndicats, un débat patriotique devrait aussi permettre, parce que si vous organisez un débat, vous donnez la valeur à quelqu'un qui va contribuer, vous donnez de la valeur, il est associé, vous l'invitez à être constructif, mais si vous décidez comme ça, vous dites, pourquoi tout ça à partir de tel monde. Ça devrait être beaucoup plus productif. Et un autre élément qui devrait rendre beaucoup plus productif la collecte, c'est cette cohésion nationale dont on cherchait au sein de ce dialogue. Parce que quand des gens sont en train de dialoguer pour un procès électoral quelque part, si le dialogue devient productif, ça stimule, c'est ça catalyse. Monsieur Poussin, vous gardez le micro, mais je vais insérer une toute petite question. Est-ce que la performance au niveau de la collecte de ces gens. On va à travers ce ça débat. Ça renforce son sentiment si le peuple burundais devient de plus en plus cohérent. On parle à travers ce débat d'espoir et de crainte. Est-ce qu'il n'y a rien de positif à travers l'ordonnance ministérielle qui vient d'être signée? J'ai dit que la volonté de pouvoir mobiliser. Le financement électoral à l'interne, l'esprit, on la soutient, c'est positif. Mais quand on le fait avec certains vices de procédure, quand on le fait avec certains un manque de débat associatif, le résultat escompté ne devient pas le même que quand si on avait fait, donc utiliser tous ces chemins que je suis en train d'exposer dans cette émission. Ça pouvait stimuler, renforcer la performance sans grogne dans cette capacité. Parce que l'esprit, c'est de pouvoir financer les élections. Et aussi, l'autre élément très fondamental dont on parle, c'est la bonne gestion budgétaire du peu qu'on a. Parce que le peu qu'on a, même si on devrait gérer bien, on pouvait être capable de financer ces élections. Et je dois donner l'exemple, en état, je termine. Si on analyse la gestion budgétaire ordinaire, très dernièrement, on nous a montré les chiffres liés à l'obtention des exonérations très récemment. On a constaté un manque à gagner de 80 milliards. Où est cet argent? On a demandé la clarification, la transparence de ce qui bénéficie de ces exonérations. Pourquoi? Ça, c'est de l'argent qui se volatilise. Donc, l'esprit, c'est de renforcer la capacité d'autofinancement électoral à l'intérieur. Alors, la stratégie de renforcer cette capacité, il faut la discuter. Si aujourd'hui le Burundi commence, par exemple, à exploiter même toutes ces mines, par exemple, on a proposer dans le renforcement de la transparence de la gestion des mines, la contribution de cette nouvelle exploitation devrait nous montrer au niveau budgétaire. Restons un peu dans cette contribution de la population pour les élections. Bon. Alors, je devais montrer que si on parle, tu me demandais quelque chose de positif. L'esprit, c'est le renforcement de la capacité interne de financement des élections. C'est toute une stratégie, c'est toute une panoplie de mesures qu'on peut prendre pour qu'on soit à la hauteur de cette émission, comme d'autres pays l'ont fait. Merci. Il y a honorable Pierre Célestin Ndikumana de la coalition Amizero ya Barundi. Désespoir chez vous ou des craintes ou les deux? Des craintes beaucoup plus parce que on a demandé à la population quelque chose de trop. Il vient de vous démontrer ce qu'on contribue mensuellement au niveau de l'impôt. J'ai parlé de double imposition. Ça vient d'être démontré par Faustin. Et c'est clair. Bon, vous avez demandé s'il y a quelque chose de positif dans l'ordonnance. Moi, je suis clair sur cette question. L'ordonnance n'est pas opportune et son impact est beaucoup plus négatif que positif. Donc, c'est superflu, c'est de trop. Cela, je m'explique. D'abord, à côté des arguments qui viennent d'être donnés par Faustin, n'oubliez pas qu'on a prévu, dans le budget de l'État, on a prévu la contribution aux élections. Ça fait 2 ans qu'on prévoit ça. Et cette année-ci, on a même doublé, si pas triplé, je n'ai pas bien vérifié, cette contribution-là. Ce qui veut dire que normalement, on a planifié ça. Si, dis-moi, on n'a pas encore planifié ça et qu'on demande de l'argent à toller à travers, si on est en train de piloter à vue, c'est encore déplorable. Et c'est pourquoi je dis que j'ai beaucoup plus de craintes, même sur la traçabilité de ces fonds. C'est inexplicable parce que, bien évidemment, on peut se poser la question de savoir sur quelle base on a travaillé pour fixer tous ces montants. Est-ce que, si on n'avait pas encore calculé le montant global, les dépenses pour le processus électoral, pourquoi est-ce que on peut se permettre de fixer des montants? Et si, par exemple, on a fixé des montants et qu'à la fin, on retrouve qu'on a demandé de trop, que le budget est excédent, est-ce qu'on va remettre cet argent à la population? Et si on a demandé peut-être moins que ce dont on a besoin, est-ce qu'on aura aussi bien planifié? Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et ce qui veut dire, en fin de compte, qu'on est en train de faire des choses, qu'on est en train de tâtonner. Ce n'est pas bon pour un pays organisé. On doit planifier, on doit demander ce qui doit être demandé. Et ce qui est demandé à la population, il y a des taxes, il y a des impôts, il y a tout ça, toutes ces contributions. Et à la fin, c'est ce qu'on planifie au niveau du budget de l'État. Et on a planifié, il y a une ligne qui est claire, qui est intitulée contribution aux élections 2020. Pourquoi demander de trop à la population affamée? Et on peut même aller loin, parce que c'est une question de fond. Ce n'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Si on parle des élections, comme on parle aussi de la commission vérité, conciliation, justice transitionnelle, ce sont des questions qui relèvent de la solidarité internationale. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train d'être appuyé par cette solidarité, par la communauté internationale? On dit, bon, nous sommes là, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, mais la souveraineté n'exclut pas la coopération internationale. Le Burundi a ratifié des textes, le Burundi est membre des Nations Unies, est membre de l'OUA, de l'Union africaine, etc., et d'autres communautés. Donc, ces questions sensibles, ces questions fondamentales d'élection... Mais il ne faut pas toujours compter sur ce qui vient d'ailleurs. Non, la solidarité internationale est toujours de mise. On ne vit pas comme une île, même dans des familles. Les familles ne vivent pas isolées. Il y a des voisins. Et vous insistez sur un mot, double imposition. Alors que l'on sait que l'impôt est obligatoire, mais cette fois, la contribution pour les élections est volontaire. Prenons l'exemple de Faustin. Il a calculé sur base d'un salarié d'1 200 000 francs, qui peut, c'est plus de ses 50 000 francs, c'est ça 50 000 francs et quelque chose. Et en même temps, il y a un 100 000 francs qui s'ajoute. Est-ce que ça, c'est pas doublé? C'est presque doublé. Il y a ce 100 000 francs avec le salaire d'1 200 000 qui doit nécessairement donner, qui doit verser, à un compte qui n'est même pas un compte du trésor public. Là aussi, c'est difficile à suivre. J'ai parlé de la traçabilité de ces fonds. Les fonds qui ne sont pas sur un compte du trésor, c'est pas toujours facile de contrôler. Donc, s'il verse 1 200 000 par an, c'est-à-dire qu'il aura contribué à la hauteur de plus de 100 000 francs par mois, à côté de 150 000 francs qui est prélevé par mois comme impôt. C'est double imposition. Alors, ça, c'est quand même... C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est demander quelque chose de trop. Naïla a dit que la population burundaise est bien, et vit, etc. Mais tout ça, c'est aussi discutable. S'il avait utilisé le verbe vivoter, là, j'allais comprendre. Parce que si on est rassasié, il ne faut pas penser que tout le monde a trouvé de quoi s'en rire. Donc, ce sont des questions fondamentales auquel il faut faire attention. J'ai parlé de la solidarité internationale. Et je voulais m'expliquer d'abord sur ça. On devrait avoir des fonds pour ces élections, pour les élections. Même si on n'avait rien, la solidarité internationale exige qu'on appuie les États membres des Nations Unies pour des questions fondamentales comme les élections, comme ces processus de justice et de transition. Qu'est-ce qui a freiné ça? Ce qui a freiné ça, c'est bien sûr parce qu'on n'a pas su, on n'a pas été à la hauteur de stabiliser le pays pour que ce soit un pays souverain au sens vrai du terme et qui a de quoi dire au niveau de l'opinion internationale, au niveau de la solidarité internationale. Et il ne faut pas essayer de faire comme Buyoya l'a fait en demandant l'effort de guerre parce que c'était dans une situation chaotique. Il a demandé l'effort de guerre, mais ce n'était pas ça l'essentiel, l'important. L'important était d'arrêter cette guerre fratricide. Et il en est de même aujourd'hui. Il faut arrêter tout ce qui fait qu'on soit exclu, on soit isolé de la communauté internationale. Si on pouvait éviter ça, tout serait réglé. Je crois qu'il faut chercher vraiment la solution là où il faut la chercher. Il ne faut pas chercher à demander de trop à la population, à serrer toujours la ceinture. Mais plutôt, il faut songer à d'autres stratégies. Stabilisons le pays, respectons les droits humains, déverrouillons l'espace politique, et vous allez voir des fonds qui vont tomber, parce que, évidemment, c'est de l'obligation internationale de nous appuyer en matière d'élection. Pourquoi chercher de l'argent chez le pauvre qui n'a rien, alors que l'argent est là pour ça? Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler contribution de la population pour les élections de 2020, espoir et crainte. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de Terence Enaïla, Aja du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, Honorable Pierre Célestin Ndikumana de la coalition Amizero ya Barundi, ainsi que Faustin Ndikumana, président de l'association PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Il devait y avoir une quatrième invitée, à savoir l'honorable Godeliev Ninina Hazoué du parti CNDD-FDD au pouvoir, mais je pense qu'elle a été empêchée à la toute dernière minute. Monsieur Terence Nailage, du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, il y a Faustin Ndikumana de la PARSEM qui a posé une question concernant le coût des élections. Quel serait le coût de ces élections Ce n'est pas la seule question que je réponds. Il y en a plusieurs. Même l'honorable Stéphane a parlé de beaucoup de choses que moi, je suis contre, en fait. Permettez-moi d'abord d'éclairer l'opinion nationale internationale sur les raisons qui ont poussé le gouvernement burundais à mettre en place cette volonté de contribuer, de la contribution de la population pour les prochaines élections. Nul n'ignore qu'à la veille des élections de 2015, certains politiciens burundais, en connivence, bien entendu, avec les Européens, qui d'ailleurs viennent de soutenir une déclaration depuis hier, attaquant l'amendement de la Constitution de la République, parce qu'ils savent pourquoi ils le disent. Nous sommes un pays indépendant, vous le savez. Ces politiciens ont tout fait pour saboter les élections de 2020. Ça, il faut être clair, ils ont révolté les jeunes, ils ont dit non aux élections, il faut d'abord qu'on s'assoie, qu'on fasse ci ou cela. C'était une façon de saboter, tout le monde l'a remarqué. Plusieurs étapes ont été remarquées justement pour saboter, jusqu'à collaborer avec ces bailleurs afin qu'ils arrêtent les fonds. Il faut comprendre d'abord le pourquoi de ces fonds qui sont arrêtés, parce que pour Tchérate, ils avaient contribué à destituer le peuple, les institutions élues démocratiquement et qui étaient au pouvoir en 2015, tout le monde le sait. Une fois échoué, ils sont fâchés et voilà, ils disent on ferme. Alors, nous sommes des Burundais, nous ne sommes pas des Européens. C'est vrai qu'on doit coopérer et avoir cette idée et nous en avons besoin, il faut le dire. Mais il faut d'abord essayer de travailler toi-même en tant que Burundais, en tant qu'indépendant. Voilà. Et ils ont fait cela, ils pensaient que les élections ne vont pas réussir. Heureusement, le gouvernement burundais a lancé un appel pressant à la population burundaise et aux amis du Burundi. Ils ont contribué, vous vous en souvenez. Et voilà que finalement, les élections de 2015 ont eu lieu, ont été financées, la deuxième partie, par les Burundais eux-mêmes. Alors, on ne peut pas tomber dans le même piège, d'autant plus que la plupart, d'ailleurs la majorité des partis de l'opposition et autres, apporte chaque fois des idées comme quoi ce n'est pas le moment opportun de demander la contribution, mais c'est le moment opportun, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Qui vous dit qu'en 2020, ces appuis seront là? Il ne faut pas s'asseoir et croire qu'on va attendre ce qu'elle n'est pas les étrangers. Nous devons nous préparer, nous devons prévenir. Si une fois nos bailleurs vont contribuer, tant mieux. Et les fonds qui seront collectés feront un autre travail. Il existe de la traçabilité de ces fonds, mais c'est clair. Mais il ne sera pas question de remettre aux citoyens. Mais les projets du gouvernement. Si. Parce que, et comme je veux tranquilliser, pourquoi on demande Bordero, récit ou autre, même Fausté, quand il va contribuer, il déposera au ministère de l'Intérieur de la formation patriotique, parce que c'est valoriser aussi le contribuable, bien sûr. Et puis, cela permettra de contrôler justement les fonds collectés. Les Burundais, vous lui demandez même 500 francs. Vous dites que c'est pour le gouvernement. Sans que vous lui donnez un témoin de papier, il vous dit voilà, tu es voleur. En tout cas, c'est une preuve parce que, qui montre que réellement, il vient de donner cette somme, soit-elle, au gouvernement. Mais il doit avoir un élément de preuve parce qu'il peut vous croire comme être escroc. On ne peut pas ramasser de l'argent comme ça, dire ou en cachette. Donc, c'est-à-dire que même tout document sera collecté et le gouvernement pourra contrôler. C'est lui qui était chargé justement de ses collectes pour voir s'il n'a pas fait autre chose, s'il n'a pas volé. Ce sont des pièces. Mais pourquoi ne pas... Ce sont des pièces, ce sont ces bordelots, ce sont ces récits, qui sont des témoignages. Monsieur Ferrand. Et qui montrent qu'on a contribué, en fait. Voilà. Mm-hmm. Et puis, vous avez parlé de crédit obligatoire. J'ai dit non. J'ai dit que pour la fonctionnaire ou la retraite sociale à la force, il n'a qu'à signifier par une lettre et on va laisser. Puisque ce n'est pas obligatoire, je le répète très bien. Et alors, c'est le moment opporté de collecter. On a dit 2 ans, parce qu'en 2020, sur l'élection, c'est pendant 2 ans. Mais à un moment donné, par l'apport au montant qui sera défini, on peut même suspendre avant des ans, au cas où on trouve que le calcul est bien défini. Et l'honorable a dit, voilà, il y a un budget qui est prévu, c'est vrai. Tout le monde le sait, mais c'est insuffisant. Ici, nous essayons de venir ici le débat. Le débat de la séance présidente à Mosaïque sur le sujet, on avait bien expliqué cela. On a dit que chaque fois le gouvernement prévoit l'objet relatif et selon ses moyens, mais que les bailleurs ont toujours contribué à hauteur d'un montant très élevé, d'où, comme ils ont voulu nous piéger en 2015, nous voulons être prudents, nous voulons prévenir. Oui. Alors, oui, à ce moment-là, c'est pour combler au cas où nos partenaires ne donneraient pas une somme suffisante pour les élections. Il faudra qu'ils se fassent sans difficulté aucune. Mais ne serait-il pas bon ou efficace d'attirer d'une certaine manière, je ne sais pas, des stratégies, d'attirer ses partenaires, les bailleurs étrangers pour éplanter ces populations? Le gouvernement est en train de le faire et nous sommes très contents. Et vous savez que même l'Union européenne a promis un appui important. Il y a 2 mois, il y a des accords qui ont été signés entre le ministère des Finances et le président de l'Union européenne ici. C'est normal, ils sont en train d'en venir, c'est une bonne chose. Et alors, mais vous savez, dit-on à qui nous dit qu'il y a un peu de temps. Laissons-nous travailler donc comme Burundi, c'est le moment opporté. Et celui qui le veut n'a qu'à continuer. Celui qui ne le veut pas n'a qu'à laisser. Ce n'est pas obligatoire. Vous avez calculé des aimants, mais ce n'est pas obligatoire, je le répète. C'est volontaire. Il faut peut dire moi, non, je ne contribue pas. C'est sa volonté. Mais ici, nous voudrions que vraiment tout Burundi qui aime son pays essaie de le faire. Concernant la traçabilité, l'article 9 de cette ordonnance dit qu'en vue d'harmoniser les preuves de contribution dans le but de la transparence, tous les fonds collectés à cet effet doivent être régulièrement transférés sur le compte numéro 1110-267 ouvert à la BRB intitulé Contribution aux élections de 2020. Mais il y aura des sous-comptes qui sont ouverts dans les différents achats, que ce soit Copec, Posté, les banques, mais automatiquement il faudra qu'il y ait un transfert chaque fois, qui se fera d'ailleurs chaque fois au 15 et 10 mois, vers le compte du gouvernement, qui est à la Banque centrale de Bujumbura. Oui. Une petite question, tant que vous avez le micro, oui, oui. Qu'en est-il réellement de la population, de la capacité de la population à s'acquitter de ce devoir civique, contribution pour les élections? Pour le gouvernement, nous trouvons que la population est capable. Est capable parce qu'en témoigne, en témoigne les contributions qu'il faut également dans les travaux de développement au niveau communal, au niveau provincial. Si vous visitez, il y contribue en plus des activités physiques qu'ils font dans les travaux communautaires, il y contribue en termes de moyens pour la construction des bureaux, pour la construction des écoles et d'autres infrastructures sociales. Nous le voyons. Donc, le peuple est capable et c'est celui qui est capable qui pourra le faire. C'est clair. C'est tout qu'il s'agit d'un caractère volontaire. Merci. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation? Ah, c'est ça. Il y a un article qui dit qu'il va y avoir des séances même d'échanger sur ça, d'expliquer, de vulgariser cette ordonnance pour qu'à fait de compte, chacun puisse avoir la volonté et non pas la force de pouvoir contribuer à ces élections. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de montant précis que en rapport avec donc le coût de ces élections. Bon, on a fait c'est estimatif, hein, c'est pas encore fini, mais les calculs sont là. Il y a d'ailleurs un article qui dit dans l'ordonnance, il paraît qu'il dit qu'après 6 mois, qu'on pourra faire l'évaluation et voir s'il serait nécessaire de contribuer. Donc on continue à demander ces contributions. Parce qu'on aura déjà calculé à définir le montant global. Pourquoi? Maintenant, ce ne sont que des références qui sont faites. Vous savez qu'il y a un CENI qui vient d'avoir une prolongation dans 6 mois. Il y a aussi une nouvelle CENI qui devra être mise en place, comme l'ont demandé les politiciens burundais, et qui sera le résultat peut-être des consultations avec tous les partenaires aux élections, notamment les partis politiques, le gouvernement et les autres, parce que le mandat de cette CENI se termine, je crois, en juin. À ce moment, alors, c'est la nouvelle CENI qui va essayer de faire des calculs suffisants, parce que, et si je ne me trompe pas, même au niveau du projet de la Constitution, il paraît qu'on aurait élargi un peu par rapport au nombre qu'on avait. Et je n'ai pas bien vérifié si on se trompe, mais auparavant, il était au nombre de 5. Vous savez que dans les rencontres qui ont eu lieu entre les politiciens, ils avaient demandé que ce nombre soit élargi. Ça, c'est l'obligé. Ce sont eux qui feront les calculs avec peut-être les nouveautés au niveau des élections qui vont se faire et calculer et voir comment les élections peuvent se faire. Je vous fais un exemple. Permettez-moi. Un problème qui a toujours qui a été toujours posé au niveau des bureaux de vote. Moi, j'ai eu l'occasion de circuler dans le pays pendant les élections de 2010. J'étais le gouverneur de province. Il y a un problème. Il y a les partenaires qui acceptent de donner les mandataires qui viennent voir comment ça se fait. Mais malheureusement, faute de moyens, les gens sont là-bas depuis 6 heures du matin. Ils passent la journée sans avoir même une bouteille d'eau. Moi, j'ai le témoin. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui ne font pas le suivi dans les partis politiques, si c'est ce problème. Si on parvenait à avoir les moyens et dire voilà, tout mandataire qui sera là, il sera considéré comme tel avec des moyens pour qu'il y ait la transparence importante à partir du bureau de vote pour qu'à fait de compte, il n'y ait pas de discussion comme quoi voilà. Il y a le temps. Alors, à ce moment, attendez, il y a les deux personnes qui sont contre, et moi je suis pour le système. Donnez-moi le temps d'éclaircir les choses. C'est ça. Personne n'est contre. Quelques minutes avant merci la fin dans le débat. Merci beaucoup. Si vraiment nous aboutissons à l'objectif et que c'est nécessaire, mais que peut-être les modalités pratiques ou autres, là on peut y charger là-dessus, mais quand même, j'espère que la volonté du gouvernement de demander ses contributions est quand même minute. Je sais que vous parlez pour le parti, mais malheureusement votre conseil n'est pas venu, mais quand même personne n'est contre l'autre. D'accord, merci. Faustin Dikoumana. Satisfaction de votre part? Bon, moi je dis, comme je l'ai toujours répété, moi je ne suis pas contre l'esprit d'autofinancement interne des élections. Moi je l'y ai dit, j'ai toujours précisé. C'est déjà une j'ai montré comment il fallait le faire pour qu'au niveau légal, il n'y ait pas de vice de procédure, pour qu'au niveau conjoncturel, on puisse promouvoir la capacité de mobilisation de ces fonds dans la légalité et dans la transparence, ce qui est très important. Parce qu'en fait de compte, le renforcement de notre capacité et de notre capacité de financement des actions publiques, des activités publiques, est sous-tendu par le renforcement de la capacité budgétaire. C'est ça, la stabilité à court, moyen, long terme. Ah oui. Ce n'est pas toujours aller d'une manière opportuniste directement chercher des contributions au sein de la population. Ça sera sous-tendu par une politique budgétaire responsable, soutenue par une action de réforme et de volonté d'être transparent dans la gestion budgétaire. Ça, c'est comme ça que ça se fait ailleurs. Si on reste dans son désordre de gestion budgétaire, exonération, quoi, on risquera de constater toujours un manque et toujours faire un raccourci, aller Encore une fois, sommes dans un volontariat ici. Alors, il ne faut pas qu'on fasse des choses. Les projets et la volontariat ponctuel. Non, ce n'est pas volontaire. C'est même intimidant quand on signifie par écrit. Quand on signifie par écrit qu'on ne contribuera pas, c'est déjà intimidant. L'ordonnance est obligatoire. S'il vous plaît, laissez-le soin à l'auditeur. Ou bien soyez créés, vous ne voulez pas qu'on contribue tous ces prémats. Il ne faut pas chercher des mains gauche à droite. Dis ce qui se trouve dans votre cœur et voilà. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Vous ne pouvez pas lire dans le cœur de l'autre. À moins que vous soyez divin. Alors, si vous ne le voulez pas, c'est votre volonté, soyez assurés. L'ordonnance est claire. Mais nous vous invitez la parole, la parole est à François. Je dis que je soutiens ça. Je vous donne la stratégie pour que c'est le pays qui doit accroître sa capacité d'autofinancement interne. Tu me comprends, monsieur l'assistant. Et il y a toute une stratégie qu'on doit faire. Même d'autres pays ont la capacité de faire d'autofinancer les élections sans recourir aux contributions de la population. Comment est-ce qu'on y parvient? C'est cela comment il faut débattre sur cet aspect de pouvoir arriver à ce niveau dans une situation de contribution régulière. Parce que, imaginez-vous si, même à partir de ces contributions, on ne parvenait pas à assurer le financement électoral comme on le veut, pour avoir des élections transparentes et dignes de son nom. Et tout cela, c'est un débat. Parce que on ne sait pas si même le niveau que vous avez fixé permettra d'avoir la capacité des moyens pour organiser des élections dignes, transparentes, avec des moyens suffisants. C'est tout un débat. Si on calcule ce montant avec des moyens précis, avec un manque à gagner, avec une sensibilisation citoyenne, avec un débat populaire, on pourrait même collecter plus. Mais je pense qu'il ne faudrait pas retourner en arrière, parce que il y a l'ordonnance ministérielle qui est déjà là. Donc, on ne revient pas. Je vais parler de la conjoncture en général, parce que l'ordonnance a été fixée dans une situation donnée. On était en train de dire comment il fallait peut-être la fixer, les procédures par lesquelles il fallait placer pour que peut-être on puisse mieux fait par rapport à la situation actuelle. Honorable Pierre Célestin. Oui, l'ordonnance est déjà là, je sais, j'en conviens, mais il est là. Elle est là après avoir violé les principes ou les procédures de sa mise en place. Ça, c'est de un. De deux, même si on chercherait à l'autofinancement des élections, ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais, ce qui est bon, je le dis. Mais néanmoins, pour des questions aussi sensibles, on planifie. On ne pilote pas à vie. On ne dit pas, nous allons essayer ceci, après 6 mois, nous allons évaluer, etc. Non, ce sont des questions d'intérêt général, d'intérêt supérieur de la nation. Ce sont des questions qu'il faut prendre avec du sérieux. Il ne faut pas piloter à vue, il ne faut pas tâtonner. Donc, ça devrait relever de la planification. Le montant global qui est là, et puis on cherche dans l'objet. Parce que si vous parlez de la contribution de la population, je l'ai dit et je le répète, la population contribue quotidiennement à travers les taxes, à travers l'impôt, et cela revient bien sûr dans le budget général de l'État au niveau des investissements. Ce sont ces fonds qui reviennent justement, qui doivent être bien planifiés, bien canalisés pour répondre aux besoins, notamment les besoins d'organisation électorale. Alors, je l'ai vu, Naïra, j'allais lire l'ordonnance et les articles. Il a même parlé d'un article de la Constitution qui, selon laquelle chaque citoyen doit contribuer à la sauvegarde de la paix et de la démocratie. Mais il ne faut pas confondre les choses. Je ne comprends pas. La contribution dont on parle ici pour la stabilité du pays, pour la sauvegarde de la paix. Mais quand il n'y a pas d'élection, mon cher, il n'y a pas de stabilité. Écoute, je ne vous ai pas interrompu du tout. C'est pas nécessairement la contribution monétaire. Pas nécessairement, bien sûr. Mais bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Mais vous voulez justement tout mettre ensemble et confondre les choses. Si nous voulons sauvegarder la paix, on ne doit pas la payer en termes monétaires. Si nous voulons sauvegarder la démocratie, cette contribution dont on parle dans la Constitution, ce n'est pas en termes monétaires. Donc, ça, c'était une précision que je voulais donner. Et autre chose que je dois dire ici, il importe de ne pas confondre. Comme je l'ai dit, il importe aussi de ne pas amener ici des affirmations gratuites. Quand on dit On a fermé les robinets, l'Union européenne a fermé les robinets. Ça, il y a parce que il y en a même qui sont allés crier arrêtez les aides, mais vous voulez que je cite les maisons. Mais ça on sait, mais il faut chercher pourquoi. Ce n'est pas gratuit, c'est une réalité qui a lié et j'allais. Pourquoi je dis que c'est une affirmation gratuite? Est-ce que quelque part on a dit nous fermons les robinets? J'ai dit c'était politicien burundais, je n'ai pas l'honorable célesté a manqué. C'était précieux pour vous dire le fait. Il faut comprendre. Non, écoute. Peut-être que vous avez pensé que je m'adressais à vous. Non, pas du tout. C'était dans le cadre général. Non, moi je ne veux pas qu'il y ait quand même des affirmations gratuites sur le plateau. Dire que, comme le coup d'État a manqué, comme ça on a fermé les robinets. Mais on a dit, nous arrêtons quelques aides parce qu'au Burundi, on a besoin qu'il y ait une bonne gouvernance. Quelques jours avant, nous avons des éléments sonores. On a condamné les violations des droits humains qui étaient en cours au Burundi et qui sont toujours en cours. Et vous y allez, honorable Pierre. Et ce qu'il fallait faire, je pense, par rapport à ça, instaurer cette bonne gouvernance, respecter les droits de l'homme et l'opinion internationale, la communauté internationale sera dans l'obligation, s'il vous plaît, de contribuer. Résumez-vous et vous y allez directement avec une ou deux propositions sur ce qui devrait être fait maintenant. Ce qui doit être fait, c'est d'abord de respecter la population qui croupit dans la misère actuellement. Donc, ne pas imposer doublement. Ça, c'est vraiment urgent. Parce que, bien évidemment, ce qu'on voit, si on a dit, par exemple, qu'on doit signifier par écrit qu'on ne va pas contribuer, ça, c'est même intimidant. S'il s'agit d'une contribution volontaire, il fallait dire ceux qui veulent contribuer peuvent aller déposer quelque chose sur un compte public, bien sûr, un compte public connu, clair. Et on laisserait comme ça. Après, on irait voir ce qu'on a pu retorter. Là, je dirais que c'est volontaire. Mais si on a fixé des taux, si on a fixé des montants, c'est vraiment obligatoire. Si à celui qui ne va pas contribuer, qui ne sent pas vraiment la nécessité de contribuer, on l'oblige d'écrire une lettre, c'est intimidant et c'est obligatoire. Alors, comme solution, je crois qu'il faut rectifier le tir. Il faut revoir les processus. Il faut revoir le processus, comment est-ce qu'on devrait faire ça? Sinon, si on fait des choses illégales, on peut ne pas y répondre. Et il revient à vous, Terence, Zahida Aja, peut-être d'en rassurer. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rassurer l'honorable Célestin, président du PARSEM, et nos chers auditeurs, vous aussi les journalistes, que la dite ordonnance, c'est une ordonnance qui n'a pas un caractère obligatoire. Je vous ai lu l'article 4, certaines dispositions, c'est volontaire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'aimerais vous informer que le gouvernement burundais respecte la population burundaise. Si le gouvernement respecte la population burundaise, tant mieux pour l'honorable société qui aura un slogan d'aller dans la campagne et dire voilà, vous avez un gouvernement qui ne vous respecte pas, il faut me choisir, c'est son droit. Mais à l'heure où je vous parle, le gouvernement respecte à la population, m'exprimer devant la population. À l'heure où je vous parle, la population elle-même, à travers le dialogue inter-burundais, a demandé d'ouvrir un compte pour qu'elle puisse elle-même contribuer parce qu'elle avait vu le danger qui guettait notre pays en 2015. Troisièmement, le Conseil des ministres, en collaboration avec le chef de l'État, qui a analyser cette ordonnance conjointe qui est d'ailleurs signée par deux ministres, en l'occurrence le ministre en charge des finances et celui de l'intérieur. Ils ont lu la loi, ils ont lu les procédures, c'est normal. Et pour terminer, j'inviterai tout le monde à contribuer pour ces élections et bien entendu à respecter ce cadre légal, quoi que ce soit volontaire, pour qu'à fait de compte, nous puissions avoir un budget suffisant pour les prochaines élections de 2020. Je vous remercie. Je vous rassure aussi, celui qui devra par écrit que c'est clair, aucun problème, autant que c'est un caractère parenthèse, c'est pourquoi il n'y a pas un article qui parle de la sanction ou de la punition, c'est clair. C'est rassurant vraiment. C'est rassurant, oui. Force Ndikumana. Bon, moi ce que je demande, d'abord, les élections 2020, ce sont des élections et qui devraient être beaucoup plus rassurantes et transparentes, oui, et inclusives. Je suis d'accord. Donc il faut encourager de ces élections, oui, oui, pour qu'on ait le résultat. Malheureusement, on ne le connaît pas. Mais si on rate ces élections d'une manière inclusive et transparente et apaisée avec un minimum de logistique qui s'impose, on aura raté. Donc il faut encourager de ces élections. Et puis, s'il a caractère volontaire, il faut expliquer davantage, sensibiliser la situation. C'est pourquoi il est prévu, je vous traduis. Il y a un qui fait quoi l'explication. Oui, oui. Il faudra refaire. La gestion transparente de ces fonds, il faut qu'elle soit qualifiée en proportionnalité avec la loi de gestion des finances publiques en vigueur. Et puis, il faut un dialogue qui continue pour que la cohésion nationale reste de mise, sans oublier la mobilisation des fonds, même aux partenaires, et le renforcement d'une bonne gestion budgétaire pour cette capacité de financement interne. Un dialogue social est prévu dans l'article 5, soyez rassurés. Donc, c'est écrit dans l'ordre. Les ressources humaines devraient financer aussi l'élection. Merci, Constant Ndikoumana. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Parsem, merci de votre contribution. Merci. Merci à vous, honorable député Pierre-Célestin Ndikoumana de la coalition Amizero Warundi. Merci de votre contribution. Merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie aussi nos auditeurs. Nous disons également merci à vous, Terence Nahiraj, la porte-parole du ministère de l'Intérieur et assistante du ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, monsieur honorable, monsieur le président Parsem. Je vous remercie, chers auditeurs. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la contribution de la population pour les élections de 2020. La mise en onde était assurée par François Akimana, Jérôme Nyonzima à la réalisation et au micro. Vous étiez avec Léonce Vitaligo. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.